regards se sont braqués sur elle. Premier coup de rein sur la musique fut sensuel. Le secondaire de rien m'a convaincu que c'était elle. Son regard plongé dans le mien fit office d'appel. Surmontant ma timidité, je me suis approché d'elle. Ceci résume ce que je pense. C'est si beau quand elle danse. Sa silhouette, son déhanché. Quand elle ondule un peu penchée. Danse, danse, danse, bébé, donne tout. J'y pense, les mains en l'air, elle se laisse aller, les mains en l'air. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. One. Yeah. Radio Mix Floor. Yeah. Un max de son dance floor. Stop rocking the beat. Come on. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. I want you to be my friend. We'll make it till the world ends. Don't give me love governed by life, limited by these worldly highs. I want a love that the universe can never stop, can never hurt. Till the world ends. Show me to a higher place. Take me to outer space. I want you to be my friend. And make it till the world ends. Don't sell me short. You to be my friend, we'll make it till the world ends. Show me to a higher place, take me to outer space. I want you to be my friend, we'll make it till the world ends. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Love is not a victory. You play the game of mystery. I know, I know, I know. Time has come to be free. Love is not a victory. You play the game of mystery. I know, I know, I know. Un max de son dance floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. One. Un max de son dance floor. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Yeah.

Rage Electro. Dancefloor.